fait des millions, il n'en a pas l'air, hein. Tu crois toucher le duc s'en bat les reins. Je l'ai mis au fond, car tu le valais bien. Enterre-moi à Bakken, va au Mont Valérien. Avant moi dans le game, tout allait bien. No pain, no gain, vous le savez bien. Je n'ai plus de larmes, je ne pleure même pas souvent. Ah non, l'homme, je sors du toit ouvrant. Babylonien, pourquoi tu mens tout le temps? Tripoli gang, anime insultante. À part l'oseille, rien de très ragoûtant. Sa mère, Laurent, Ruquier, contre Laurent Houtan. Rap est une chatte, j'ai la queue dedans. Je ne manque de rien, je ne manque que de temps. Sabibi, sabibi, habibi, habibi. Sur le rinté à midi, je baisais la juge mon alibi. Sabibi, sabibi, habibi, habibi. Sur le rinté à midi, je baisais la juge mon alibi. Premier qu'en sport et en chant, fuck les autres matières. Je veux pas réussir de toute manière, ça trafique de la cire dans tout Agnès. Ton cercueil, ton nouvel habitat, je ne viendrai pas à ta crémaillère. Al Pacino, Scarface, j'habite le morceau de Chico, ennemi sur Chevalier. T'as si t'as ça, j'suis sur la vie de ta mère. Personne te croit, Renoir, dis voilà, j'suis sur la vie de ta mère. Y'a 500 E, partout, bloc sur l'étagère. Ennemi t'as à vous, toute ta famille est couchée par terre. Jamais au gaz, à vous, j'nique tout, rien n'est classé par thème. Noir et l'arc-en-ciel, qui l'a passé l'arc-en-ciel. En tout cas c'est pas moi, beaucoup d'ennemis sont de l'histoire ancienne. En tout cas c'est pas moi, beaucoup d'ennemis sont de l'histoire ancienne. Sabibi, sabibi, habibi, habibi. Sur le rinté à midi, je baisais la juge mon alibi. Sabibi, sabibi, habibi, habibi. Sur le rinté à midi, je baisais la juge mon alibi. Tio, hey, la boîte est pleine, le superchargé garé devant. Sûrement millimétré, donc ne me critique pas en m'insultant. J'parle un godor avec le pop zère au Vatican. Très souci de tendre la joue, mais je ne suis pas pratiquant. Méfie-toi même des petits, car il n'y a plus de grands. Il te reste peut-être tes clés, oui, mais tu n'as plus de dents. Mon camp c'est le règne animal, là où il n'y a plus de gens. J'veux aller plus haut que le sommet de la montagne, là où il n'y a plus de vent. Hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, hey baby, sabibi, sabibi, habibi, habibi. Sur le rinté à midi, je baisais la juge mon alibi. Sabibi, sabibi.